Les robots vont prendre vos boulots. Commencez à penser au temps libre. Pour le salaire, www.patron.com. Amis humains, bonjour. Voici le numéro d'une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science avec son énorme flot quotidien de publications tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite numéro 3, mythologie et littérature. Histoire de la robotique. Les trois lois de la robotique. Dans Runarun, il décrit les trois lois de la robotique, censé limiter le libre arbitre, éventuel, d'un robot afin qu'il ne puisse pas nuire à un humain. Il s'agit des garanties dont l'humanité devrait s'entourer lorsqu'elle développera massivement la science robotique 2.1. Un robot ne peut nuire à un être humain ni laisser sans assistance un être humain en danger. 2. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par les êtres humains, sauf quand ces ordres sont incompatibles avec la première loi. 3. Un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection n'est pas incompatible avec la première ou la deuxième loi. Au cinéma, on relèvera 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, dans lequel une intelligence artificielle enfreint la première loi pour obéir aux deux autres. Il est important également de signaler des romans et films récents dans lesquels le robot s'affranchit de son statut de robot, ou essaie de le faire, sans pour autant chercher à nuire aux êtres humains. C'est le cas par exemple dans L'homme bicentenaire de Chris Columbus et dans IA de Steven Spielberg, coécrit par Stanley Kubrick. Fin de cette troisième partie, à bientôt, grosse bise numérique.